Bon, bah vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Vous êtes, l'émission est faite par l'APF d'Orléans pour la note Chef La Manca. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. À voix, à voix. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, par l'émission et fait par l'APF d'Orléans, par Jackie pour la note chef La Manca, et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Restez calés sur l'antenne, il n'y a pas de problème. C'est des belles chansons, super chansons espagnoles. Olé!

fois, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note chef La Manca. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Il est 19h37, c'est pas encore fini. Je continue l'émission, il n'y a pas de problème. Je suis toujours avec vous, mes amis espagnols. Bon appétit, autrement. Et c'est reparti. Quien critica y murmura, y el tiempo que tú has echado, que quien critica y murmura, y el loco ya me emplea. Cuéntale a mi madre, que todo lo que yo hago, ay, que se lo cuentan a mi madre, que como si mi madre fuera, que con un cuchillo a matarme. y de arribita viene y el caballito prima mía de mi sobrino. Por ahí viene relinchando ya la sombra de los pinos. Por ahí de arribita viene y el caballito de mi sobrino. Ay, tú me tienes que buscar, tú me tienes ay, que buscar, que como el agua busca el río, ay, y el río busca la mamá. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes que buscar, ay, como el agua busca el río, ay, y el río busca la mamá. Está los brillos primita ya en el sereno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, tú le bailamos tango, tú le bailamos tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno. conmigo, que castigue mi te mande yo. Que mi mamá era caca las pinta y los venda. Es que la pobreza yo me metí yo. Pues tú no me desprecies que yo soy tu amiga. Tan solamente me acompaña de un bolsillo de vino y un bolsillo de agua. Yo soy gitano y llevo en un arío de nunca y vareta y caña vendrá en él, de nunca y vareta y caña vendrá en él. Gallinilla, llame ya don Llano, ya ver que te resiste siendo gitano. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par la... Pour l'émission est faite par le Balcon d'Espagne. Non, pour la Noche Chef Flamenca. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie. Et ça recontinue. Si vous voulez venir danser la Sevillana, vous venez de 14h jusqu'à 17h. 108 rue de Bourgogne, au troisième étage. Et les cours recommenceront à la rentrée à partir du samedi, le 2 novembre, de 14h jusqu'à 17h. On vous attend à la salle, il n'y a pas de problème, vous faites un essai. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas, vous attendez et vous refaites un cours autrement. Allez, bon appétit et ça, on continue. Correo, si va pa España, que dile a mi mamá, haré que vivo. Correo, si va pa España. Civil já registou cerca de uma dezena de ocorrências.